Le vocabulaire. On est tous vulgaires. Voilà. Tous. Moi, je peux pas rester. Moi, tu es un grand vieil pas. Je suis obligée de te tutoyer parce qu'il n'y a pas de différence. Je suis. C'est pas de l'éducation. Depuis qu'on est à la maternelle, on nous apprend que vous voyez les personnes qu'on ne connaît pas, les personnes âgées, et tutoyer les personnes qui sont familières. Je suis désolée, mais c'est le rôle de l'école et des parents aussi d'apprendre ça. Vas-y, continue. Ah, moi, j'ai essayé 20 fois de changer mon vocabulaire et tout. Genre, pendant un mois, ça marchait. Et après, il est revenu. En fait, le vocabulaire, tu peux le changer si tu en as envie, mais moi j'ai pas envie. Parce qu'en fait, quand je suis gentille, en fait, j'ai l'impression que quand t'es gentil, les gens ils te niquent. Et quand genre, tu as du caractère, les gens ils te respectent. Est-ce que c'est une arme le vocabulaire dans les quartiers par exemple? Oui. Ouais. Non, le caractère, pas le vocabulaire. Ouais, pas le vocabulaire. Il faut être, par exemple, il faut avoir du caractère. Moi je sais que parfois quand je m'embrouille, ben, je dis pas de gros mots. Pourtant, je maintiens mes paroles. Je maintiens mes paroles, mais mon caractère il se voit. Et après, comme on dit, parle peu et frappe fort. Chez nous, c'est comme ça, c'est tu parles un peu et tu donnes des grands coups, la personne elle comprend. Parce qu'on comprend qu'elle vous avez marché. Ouais. C'est la vérité. Pourquoi on dit tous des gros mots? Bah parce qu'en fait c'est l'habitude, c'est la génération. Après non, moi je comprends pas parce que moi je me suis déjà posé la question. Chez moi je dis pas trop. Ah chez moi je vous promets, j'ai un grand mère à dire. Mais à l'extérieur, quand je suis avec mes amis, mais ça sort automatiquement. Et parce que tu sais que si tu dis un gros mot, ta mère elle te défonce alors que si t'es avec ta mère. Ouais mais je sais pas, parce que chez moi ma mère, si par exemple demain une femme elle vient lui dire ta fille elle est vulgaire, ma mère va dire non, elle est pas vulgaire, ma fille je la vois. Elle est méchante, elle a son sale caractère mais elle est pas vulgaire. Mais à l'extérieur je suis vulgaire et même moi je le dis. Et ça je le sais pas. Moi aussi je suis. Est-ce que c'est contagieux? Ouais, on entend des gros mots, on en dit. Ouais. Ouais, on a même nos propres. On dit t'es chauve, je suis chauve, ça veut dire je suis choquée. Ma. Il y a quoi? Trop moche, c'est-à-dire elle est trop moche. Est-ce que les gens ils peuvent penser de nous? Enfin, de moi. C'est pas bien. C'est tout. Tu y penses souvent? Ouais. Hein? Et tu agis. Ça change ta manière d'agir? Il y a des choses que tu n'oses pas faire ou que tu fais différemment parce que tu as peur qu'on ose. Bah, la pression. Moi j'ai peur de pas marier. La peur de pas y arriver. Ouais. Après de décevoir les personnes. Moi ce qui me fatigue c'est de travailler 4 fois plus. C'est ça qui me fatigue. C'est, je sais que demain je vais ouvrir mon projet, il faut que je galère en fait. Demain je vais faire quelque chose, il faut que je galère. Et c'est ça qui fait peur. Tu te reposes 2 minutes et après tu te retrouves avec des galères. Ouais, des galères. Et même par exemple moi, comme je le redis. Ma mère, par exemple, elle savait pas le français, du coup elle m'aidait pas pour les devoirs, j'étais un peu une quiche. Après, en fait, on fait nos devoirs que vraiment qu'à l'école. Et à l'école encore, il y a nos potes. Moi encore, elle m'a mis dans le privé, mais dans le privé, j'avais pas de potes. Mais c'est souvent, si on tombe avec les gens de notre quartier et tout, on va pas à l'école pour étudier. Donc il fait que... Mais avant, il y avait l'envie, maintenant, c'est par obligation. Ouais. Après, moi, je vous donne un exemple. Vous allez au quartier, et vous prenez un garçon qui est jamais allé à l'école, vous allez voir qu'il est plus intelligent que ceux qui sont allés à l'école. Parce que c'est des garçons qui sont intelligents, mais juste pour l'image du quartier, ils ont pas envie d'y aller à l'école. Ils font les bêtes. Ouais, alors que nous, les femmes, nous aussi, on peut se dire on va pas à l'école parce qu'on sait que demain, on va pas travailler. Mais il y a d'autres femmes qui disent non, moi, je veux travailler, moi, je veux aller à l'école. Je peux très bien arrêter, j'ai 20 ans, et demain, et je peux me marier dès demain si je veux. Genre, en fait, moi, après, je parle pour moi, hein. Mais moi, je m'en fous, en fait, du regard des autres, puisqu'en fait, je vis pour moi, je vis pas pour les autres, déjà de une. Que demain, tu me juges parce que je suis habillée comme ça ou je m'en bats les couilles. En fait, si je suis habillée comme ça, c'est parce que je me plais, en fait. Genre, je sais pas. Moi, quand je vois l'année, en fait, c'est une meuf toute hanina et tout, en fait, toute hanina, toute calme, toute gentille. Ouais, voilà. En fait, elle s'habille, quand je la vois toute fraîche comme ça, c'est parce qu'en fait, elle aime bien se sentir belle. Et en fait, elle s'en fout des autres, tu vois. Vous voyez, pardon. Elle se sent belle pour elle, pas pour les autres, Mais pourtant, tu disais que tu osais pas trop te mettre des vêtements trop féminins. Ça, c'était avant. En fait, moi, je peux pas mettre de pantalon féminin ou de t-shirt féminin parce que j'ai pas de trucs féminins, en fait. Chez moi, c'est la haise, j'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce qui reste? T'as rien à voir? Bah si, ouais. Après, moi je m'en parle, on me dit souvent dans le quartier, ce qu'ils aiment chez moi, c'est j'ose. Moi en fait, il y a l'audace, il y a moi. Dans le sens, moi j'aime cette tenue, je vais la mettre. Je sais que je vais être critiquée, je sais que les gens ils vont dire que ça, mais genre, tant que tu me nourris pas, tu me ramènes pas les courses. C'est ce que je dis à ma mère, tant que personne toque chez toi le 5 du mois, il te dit tiens tes allocations familiales, tiens ton RSA, et tu t'en fous. Je dis, c'est l'État qui te donne, c'est voilà, tu vas travailler, c'est ton salaire, tu l'as mérité. Ben voilà, moi personne ne me paye quoi que ce soit, mes vêtements je les achète tout seul. Je porte ce que je veux, je mets ce que je veux. Demain j'ai envie d'enlever mon foulard, j'enlève. Demain j'ai envie de le garder, je le garde. Personne ne me dit quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que personne ne me nourrit, personne ne me doit rien. Et moi je dois rien à personne, c'est tout. Après souvent on me dit, pourquoi tu mets des lunettes de soleil, tu fais trop la belle, peut-être c'est parce que j'ai envie de faire la belle, parce que je suis belle, non je rigole. Non mais c'est vrai, je suis une raclure, mais dans le sens, je suis une raclure. Moi j'ai confiance en moi, je suis une femme, j'ai confiance en moi et ça m'aide beaucoup à avancer dans ma vie et tant mieux. Parfois quand j'ai mal et j'ai pas confiance en moi, j'appelle mon éducatrice elle-même. Enfin, ça m'arrive, mais de temps en temps, vraiment. Et puis même j'ai envie, t'as le droit de te sentir bête, tu vas pas te... Enfin, je sais pas quand on me dit, ah tu fais trop la bête, je vais faire la moche. Ouais, et même, moi, moi parfois, je suis habillée comme une femme, je suis maquillée, j'ai du parfum, mais quand j'ai mon caractère, on dirait un homme. C'est la vérité. Parfois aussi, je suis habillée comme... non, je ne m'habille pas comme un homme, je ne m'habille pas en soirée et tout. Mais voilà, c'est, ça ne veut pas dire, ça veut dire j'ai du vernis, j'ai des fausses ongles, etc. Mais j'ai, mon caractère, c'est comme un homme. C'est contraire. Moi, on critique une fois, je refais plus, c'est crier. Par exemple, on fait ça ne va pas, ça va, je me porte plus, tu vois. Ah ouais, tu fais attention au regard des autres. Ouais. C'est ce qu'elle ressent. Après, peut-être c'est pas l'image qu'elle donne. Non, c'est quand on lui dit par exemple, elle s'habille trop large, trop pour pas montrer ses formes. Quand on lui dit tu t'habilles pas bien, et ben s'en fout, elle sera bien pareil. Alors, ça dépend. Non, mais c'est souvent, c'est ma famille, mais oui. quand c'est cette personne de l'entourage. En même temps, je peux pas m'habiller comme je veux. Je peux, comment dire. Ma mère, elle met la pression parce qu'elle a des formes. Non, mais c'est pas ça. Il y a même moi. Non, maman, elle me dit ça, mais il y a aussi moi. Par exemple, je sais que je peux pas sortir comme ça. Ouais, je suis. Non, pas complexée, mais genre, je sais que je peux pas sortir comme ça au quartier et tout. Arrête, bah, tranquille. Je vais sortir comme ça au quartier parce que je sais que je vais être jugée. Oh. Et vous, vous faites vous habillez comme vous voulez pour vous pour ouais. Bah là, je suis un pyjama. Vous êtes sensible au regard des autres? Non. Non, ils sont pas contents. On aime le regard des autres. On a enfin, même, qui t'a dit de nous regarder? Moi, quand une vieille, elle me regarde travers, tu sais, la vieille de la première, là. Mm. Quand elle me regarde travers, elle est comme ça, ça, c'est le voile décapotable. Merci, ma chérie. En fait, les gens. Demain, tu me juges, t'es ma fan, quoi. Fan. Après, il vaut mieux prendre les gens qui jugent pour des fans, parce que si on prend trop le jugement à cœur, et ben, on va jamais sortir, on va être complexé. Et puis, il y aura toujours un jugement et son contraire, des fois, aussi. Les gens ne sont pas tous d'accord entre eux. Ouais. Arrêtez de... Vous aimez ce que vous aimez, mais c'est l'essentiel. Arrêtez de complexer, hein, vous êtes toutes belles. Hein. Oh.